Café Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministes et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. Café Pandore est produite à Montréal, en territoire autochtone non cédé. Ici Audrey Gosselin-Pellerin. Aujourd'hui, vous entendrez le plus récent épisode d'Ève et Pandore, diffusé le 23 octobre 2019. Marianne Théberge était à la barre de l'animation et Laurence Morin était à la console. Il est un peu plus de 18h et on débute une émission dédiée à la transmission féministe, plus précisément à la manière dont se transmet le féminisme à travers nos interactions individuelles. Notre prochaine émission sera, quant à elle, dédiée à la transmission collective des idées et postures féministes. On débute avec les témoignages de plusieurs femmes qui nous partagent les moments de transmission qui ont joué un rôle fort dans leur trajectoire féministe. Par la suite, on tente de circonscrire plus spécifiquement ce que peut désigner les termes « transmission féministe ». On fait ensuite place à une discussion entre deux femmes qui ont accepté de discuter à partir de leur expérience de vie, du rôle de leurs relations interpersonnelles et sur le développement de leur féminisme et sur celui de leurs proches. En dernière partie d'émission, on aborde le rôle de l'art dans la transmission avec Laurie Malépart-Traversy, qui est réalisatrice, productrice et scénariste du court-métrage « Le clitoris ». Et pendant qu'on entend notre thème, la pièce « Incendie » de Julia Jean-Baptiste, je vous rappelle qu'Ève et Pandore est aussi disponible en balado-diffusion. Vous y trouverez plusieurs entrevues et reportages, notamment sur Corps à corps, guide de sexualité positive, sur le harcèlement de rue, le disempowerment masculin, les violences obstétricales et la pratique du métier de sage-femme. Vous pouvez vous abonner dans votre application de podcast préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes d'Ève et Pandore. La personne qui m'a influencée à devenir plus féministe, c'est ma mère. Je crois que les femmes qui ont le plus contribué à mon éveil féministe, premièrement, c'est ma mère. Elle ne se conforme pas au stéréotype de ce qui est supposé être une femme et une mère. Elle a toujours fait du sport, elle s'habille de façon moins typiquement féminine et ne se soucie pas de ce que les gens pourraient penser d'elle. Elle nous a donné à moi et ma sœur son nom de famille pour conviction féministe. Au lieu du nom de famille de notre père. Même à la maison, quand il était temps de nous coiffer ou de nous peindre les ongles, ma mère n'était pas gênée de laisser mon père s'en occuper, comme elle était moins douée. Mais elle est la meilleure pour s'occuper du barbecue. Mon éducation féministe est aussi faite par les livres. Moi, personnellement, même si je sens que j'avais déjà une sensibilité féministe depuis longtemps, c'est un cours que j'ai suivi pendant mon bac. Puis la prof qu'il donnait, une femme vraiment inspirante qui m'ont marquée puis qui ont fait du féminisme quelque chose qui me tient vraiment à cœur puis qui fait partie de moi. En partie parce qu'elle ne se restreignait pas au stéréotype que j'ai pu moi-même m'en éloigner et j'en suis très reconnaissante. L'accumulation de tous les livres que j'ai lus sur le féminisme ou même des romans qui traitaient d'enjeux féministes ou écrits par des femmes fait en sorte que je suis la féministe que je suis aujourd'hui. J'ai accumulé tout ça, ces différents points de vue, et puis maintenant, j'ose croire que j'ai mon point de vue à moi qui est unique. L'autre femme super importante pour moi, c'est ma sœur qui étudie en sociologie et qui se concentre en études féministes, qui me présente toujours des auteurs comme Colette Guillaumin, Christine Delphi ou Paola Tabé. Le cours, c'est un cours d'introduction à la pensée féministe, puis la prof, les textes, les discussions qu'on a eues en classe, ça a vraiment déconstruit mes catégories de pensée. Incontestablement, ce qui m'a propulsée dans le mouvement des femmes au Québec, c'est l'événement Toujours Rebelle, un rassemblement pan-canadien qui a eu lieu à Montréal en 2008. Une des transmissions féministes les plus importantes pour moi, c'est sans aucun doute le groupe de femmes auquel je fais partie. Je me rappelle être débarquée dans la métropole sans trop savoir que j'allais avoir le privilège de participer à des discussions qui interpellait le plus les jeunes féministes, que j'allais être dans un bouillonnement d'idées, d'échanges, que j'allais rencontrer des femmes tellement inspirantes que je côtoie encore aujourd'hui. Toutes ces femmes-là m'ont apporté beaucoup par leurs différentes expériences. On se réunit, on discute, on se confronte. Et donc, ça nous rend encore plus puissantes, ça nous rend encore plus certaines dans notre objectif commun, qui est la libération des femmes. Pendant la préparation de l'émission d'aujourd'hui, on s'est demandé ce que ça voulait dire concrètement la transmission féministe. On l'a entendu dans les témoignages qu'on vous a présentés, le féminisme se transmet de multiples façons, par les mères, les sœurs, à l'école, dans des essais, des romans, des œuvres d'art, dans le militantisme, à travers les rencontres, les amitiés. Le champ de la transmission féministe est large et peut être abordé sous différents angles. Pour nous, la transmission féministe, c'est jamais complètement achevée. S'il y a bien une sorte de point de départ au devenir féministe, la transmission opère aussi à travers la consolidation des idées, l'ouverture à d'autres féminismes, mais aussi quand on crée des espaces ou une construction de soi qui dépasse les catégories qu'on impose normalement aux femmes. Donc, c'est sur ça qu'on a voulu se pencher ce soir. Comment ça se construit? Comment ça se met en place? Évidemment, l'éducation joue un rôle fondamental dans la transmission des idées, des savoirs et des attitudes féministes, mais il y a d'autres aspects qui doivent être pris en compte pour mieux cerner la transmission féministe. On peut penser, par exemple, aux groupes de parole ou aux groupes de conscience constitués dans les années 70 par des regroupements de femmes et de féministes. Ces groupes sont d'abord un espace en commun, un entre-femmes ou un entre-soi où les femmes peuvent discuter entre elles de différents enjeux, partager leurs propres expériences et leur donner collectivement un sens. Parfois, ça a voulu dire de relire ces expériences personnelles comme des expériences communes d'oppression et de sexisme. Parfois, ça a voulu dire de voir différemment le monde qui nous entoure. Parfois, ça a été de partager des stratégies de lutte. D'autres fois encore, ça a voulu dire d'organiser la lutte féministe ensemble. Enfin, ça a voulu dire aussi de confronter des idées et des visions. Un autre aspect central de la transmission féministe, c'est évidemment l'amitié. Comme le souligne la sociologue Sacha Rose-Neal, sans de puissants liens choisis d'affection et de sollicitude, le féminisme serait impensable, les mouvements des femmes impossibles, la vie quotidienne se déroulerait dans des environnements inhospitaliers et dans l'isolement. Si l'amitié est centrale, d'autres types de relations dont on va justement discuter ce soir au cours de l'émission sont incontournables. Aujourd'hui, justement, on tourne notre regard sur nous, les féministes, sur notre collectivité et surtout sur les personnes qui la composent. Qui nous a parlé de féminisme pour la première fois? Qui a planté le germe d'une réflexion critique sur ce que la société nous propose? Qui nous a aidé à comprendre dans la construction de notre vision du féminisme, de notre utopie féministe? Et qui nourrit et renouvelle notre féminisme? Ave María purísima, sin pecado concebida. Ave María castísima, sin pecado concebida. Ave María purísima, sin pecado concebida. Ave María castísima, sin pecado concebida. Aquí se llama la Bao, en Palenque Lumbalú. Aquí se llama la se va. Venez d'entendre Nidia Góngora chanter Autun, une pièce parue cette année sur l'album du même nom de John Montoya. Nidia Góngora est originaire de la ville de Timbiqui, en Colombie. Elle est issue de la communauté afro-colombienne et elle est une des ambassadrices de la musique traditionnelle de cette région-là. C'est une chanteuse qui a un rythme et une voix vraiment superbe et qui a fait beaucoup de collaborations ces dernières années, notamment avec John Montoya et Quantique. Il est présentement 18h11. Sans plus tarder, on poursuit avec notre segment discussion pour lequel on a avec nous deux femmes, Heidi Bouchard et Cynthia Falaise, toutes deux féministes, avec chacune un parcours de vie bien à elles, fait de rencontres différentes. Oui, merci Marianne. En fait, ben bonjour Heidi. Bonjour. Heidi est une féministe, éducatrice spécialisée en réadaptation physique, mère de deux enfants qui ont maintenant atteint l'âge adulte. Et aussi, on a Cynthia avec nous. Bonjour Cynthia. Bonjour. Également féministe, c'est un peu un prérequis des fois pour venir à l'émission. Enseignante en sciences politiques au Cégep Antique et nouvellement mère. Donc, on trouvait ça intéressant d'avoir vos perspectives. Vous avez des âges et des parcours de vie différents. Qui vont venir nourrir la discussion. Donc, Laurence a un peu mis la table tout à l'heure, la transmission féministe, c'est aussi des moments très informels hein, où on va observer des femmes qui sortent des normes, voir des modèles qui qui vont faire qu'on va se dire, ben moi aussi je peux, soit quand on grandit ou même à l'âge adulte. Donc c'est des moments très précieux, mais qui sont peut-être difficiles à venir définir. Donc on va essayer d'en parler un peu, toutes les non-dits et qu'est-ce que, en tant que féministe, on se transmet les unes aux autres. Mmh. Donc on a entendu d'autres femmes en parler un peu plus tôt dans l'émission, mais je voulais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'une ou des féministes vous ont transmis à vous, là, qui est demeurée durablement, par exemple, Heidi? Grosse question. Grosse question. Qu'est-ce que... Répète-moi cette question. Qu'est-ce que des féministes qui t'ont marqué, avec qui tu as porté des choses avec toi par la suite? OK. En fait, moi, je pense que j'ai été extrêmement... marqué dans cette évolution-là, étant une femme de la Révolution tranquille, je suis née avec la Révolution tranquille, j'ai été marquée par tout le mouvement féministe qui est extrêmement fort dans les années 60-70, et donc ça nous était transporté par les chansons, ça nous était transporté par les émissions de télévision, de radio, ça nous était transporté par des films, par des prises de position différentes. Évidemment aussi par des femmes qui m'étaient proches dans ma famille, par ma mère, par les sœurs de ma mère, par mes grandes sœurs. Tu disais tu m'en avais parlé un peu là quand on discutait avant l'émission de justement tes sœurs, les sœurs de ta mère. Qu'est-ce qu'elles faisaient qui t'avait marqué puis t'avait dit ok, ça c'est intéressant, ça me parle. Ben c'était des femmes qui prenaient conscience. Bon, si je parle en particulier de ma mère qui aurait aujourd'hui 94 ans. Alors c'est des femmes qui étaient nées dans un milieu qui est extrêmement différent et plus sexiste que ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce sont des femmes qui portaient l'étendard. Ma mère avait décidé qu'elle pouvait retourner sur le marché du travail, même si elle avait des enfants. Ce sont des femmes qui à toute occasion prenait la parole pour dire que certaines choses étaient inadmissibles, du genre pourquoi c'est juste les filles qui font la vaisselle, pourquoi les gars ont tel privilège, pourquoi ne pourrions-nous pas conduire une auto, pourquoi ne pourrions-nous... Ça paraît niaiseux aujourd'hui de dire, mais moi, quand j'étais jeune, une femme qui conduisait une auto, quand j'étais enfant, c'était, elles étaient exceptionnelles. Ouais. Donc la famille est venue vraiment marquer ton imaginaire féministe, tout comme l'ambiance sociale de l'époque. Oui. Et pour toi, Cynthia, des féministes qui t'ont marqué, qui t'ont transmis quelque chose qui est resté encore en toi aujourd'hui? Moi, contrairement à Heidi, c'est venu vraiment plus tard. Ma famille, en rétrospective, j'ai vu des éléments féministes après, mais après être partie du milieu familial. Donc moi, ça a été vraiment en entrant au cégep où je suis sortie de ma ville natale, je suis arrivée à Montréal, j'ai senti que là, il y avait beaucoup comme un monde qui s'ouvrait devant moi et des nouvelles personnes aussi avec des idées différentes, plus progressistes, un milieu un peu moins homogène aussi. C'est quand je me suis impliquée dans l'association étudiante que là, j'ai rencontré des personnes qui m'ont initiée au féminisme et une personne en particulier, bizarrement, c'est un homme, qui m'a le premier confrontée parce que je pense que je pourrais même dire que j'étais anti-féministe avant d'arriver au cégep. C'était pas une conviction profonde, mais c'était l'air du temps. Peut-être une impression que les gains féministes étaient suffisants puis que les femmes étaient les égales des hommes puis qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, c'est quand lui, il m'a dit qu'il se disait féministe, que là, je l'ai confronté, je dis, ben voyons, donc si les femmes ont besoin d'un mouvement, les hommes aussi ont des enjeux à mettre de l'avant. Puis là, c'est lui qui a commencé à déconstruire cette idée-là chez moi. Puis par ses actions aussi, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup à la répartition des tâches, donc on avait des fois des fêtes, puis là, il voyait que les femmes se levaient après un souper pour aller faire la vaisselle. Et il s'entremettait pour dire « bon, je vais faire la vaisselle », mais d'une façon vraiment très, très disons, extravertie. Pas extravertie, mais comment je pourrais dire? Donc, il l'affirmait avec force. Donc, ça a été mon premier contact avec le féminisme. Puis après ça, bien évidemment, toutes les autres femmes dans l'association étudiante que j'ai côtoyées, qui avaient aussi des personnalités très différentes, qui étaient peut-être moins centrées sur l'apparence physique aussi. Une chose qui, pour moi, était totalement nouvelle. Puis après, ben évidemment, ça s'est construit avec l'université, avec des professeurs marquantes, d'autres féministes que j'ai rencontrées dans mes parcours. OK. Voilà. Et Heidi, justement, quand on a jasé un peu avant, tu me disais que tu n'avais pas vraiment confiance d'avoir transmis à ta fille un bagage féministe à proprement parler. Alors, on va écouter ta fille Florence, voir ce qu'elle en pense. La transmission féministe, pour moi, c'est d'abord et avant tout ma mère. Je dirais pas qu'elle nous a enseigné le féminisme de façon claire, dite que c'était du féminisme, mais c'est une femme forte, c'est une femme qui a entrepris beaucoup de choses, c'est une femme en colère qui nous a enseigné à exprimer nos émotions, moi et mon frère, puis même si nos émotions sont pas belles. Et puis, je pense qu'avec le recul, je me rends compte que sans elle, sans son modèle et sans son éducation, je serais pas féministe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te dit, Heidi? Oh! C'est émouvant à entendre. Ça me fait plaisir. Ça me donne du bonheur et de la satisfaction. Mais je dois ajouter aussi que c'est ça. Depuis quelques années, depuis que Florence a passé la vingtaine, où elle a elle-même commencé à avoir un vécu et une action féministe et elle est devenue maintenant une sorte de modèle pour moi aussi, à certains moments, dans la mesure où elle m'amène des réflexions sur certaines valeurs ou certaines idées qui concernent les femmes en particulier et qui viennent remettre en question mes constructions à moi et qui m'amènent à réfléchir, à regarder ailleurs. Et c'est vrai pour Florence et c'est vrai pour d'autres jeunes femmes féministes qui tiennent aujourd'hui des discours dans lesquels nous, on n'allait pas quand moi, j'étais plus jeune, moi-même dans la vingtaine, et où j'étais aussi dans ces années-là impliquée dans des mouvements de femmes. Bien, c'est intéressant que tu apportes ce point-là. Justement, on voit que la transmission, des fois, on peut voir ça comme étant très unidirectionnel. Puis finalement, avec ton exemple, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus flou que ça, c'est beaucoup plus mouvant, puis que c'est vraiment un partage commun. Donc, c'est intéressant. Donc, la transmission féministe, ta fille Florence l'a mentionné, elle a peut-être pas, dans votre cas, à vous, dans votre famille, elle a peut-être pas été explicite, mais elle a eu un impact vraiment profond et de longue durée sur ta fille. Puis si on creuse dans des exemples un peu plus concrets, là, tu me disais entre autres que pour ta part, tu souhaitais éviter les interdits et transmettre plutôt des ouvertures à tes enfants et à ta fille notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, je peux donner, par exemple, quand on a des enfants et qu'on qu'on a des idées qu'on voudrait progressistes par rapport à ce qui est conventionnel. Au niveau, des jouets qu'on met à la disposition des enfants. Moi, j'avais une sainte allergie aux poupées Barbie. Et il n'était pas question que moi, j'amène ça à la maison. Par contre, Flora, on n'était pas un cercle fermé, on était ouvert sur le monde, et donc des poupées Barbie sont arrivées à la maison. Et je ne voulais pas que ce soit, je ne voulais pas transmettre quelque chose du genre, c'est pas possible de jouer avec ça. Non, c'est possible de jouer avec ça, mais on peut peut-être aussi s'interroger. Regarde comment elle est faite, ta poupée Barbie. Les vraies femmes ne sont pas faites comme ça. Et puis, enfin, donc c'est un exemple. Parmi d'autres par rapport au fait que, par exemple, comment on s'habille quand on est une petite fille, une grande fille ou une jeune fille ou une jeune femme. J'ai toujours voulu amener un certain esprit critique sans mettre d'interdit. Tu fais des choix qui t'appartiennent, évidemment, selon l'âge que tu as. Je n'aurais pas permis à ma fille de 7 ans de porter des strings alors qu'ils s'en vendaient à l'époque, des strings pour des filles de 7 ans. Mais à un moment donné, on vieillit. À un moment donné, le jeune a le droit de prendre certaines décisions, mais j'ai toujours souhaité leur amener une réflexion. Mais j'ai pas eu à le faire beaucoup parce que j'ai eu l'impression que mes enfants, assez rapidement, s'en allait vers des valeurs qui me paraissaient saines et souhaitables. Mais évidemment, quand ils regardent des vidéos, quand ils regardaient des vidéos de Madonna ou de je ne sais plus quelle Spice Girl de ce monde, dans les vidéoclips, à quel point la sexualité était extrêmement présente et les images sexistes, les représentations sexistes des femmes et des hommes, c'était pas un interdit de regarder des vidéos. Mm-hmm. Mais c'était quand on regarde des vidéos, est-ce qu'on peut se demander, est-ce que c'est normal que lui ou elle soit produise de cette manière-là? Est-ce que c'est normal que d'une vidéo à l'autre, on retrouve toujours ce même genre d'image-là? Donc, d'apporter vraiment une vision critique, un réflexe de questionner. Puis on va revenir d'ailleurs sur cette idée de sexualisation, puisque ça l'a marqué... que dans ton désir de transmettre à tes enfants. Donc, on va y revenir. Mais Cynthia, donc toi-même, tu as donné naissance à ta fille il y a quelques mois à peine. Mm-hmm. Pour ta part, qu'est-ce que tu as hâte de lui transmettre? Qu'est-ce que j'ai hâte de lui transmettre? Elle est tellement petite. C'est comme une question qui m'amène très loin, des fois très proche. Je l'imagine à 4 ans, je l'imagine à 20 ans, je l'imagine à 50. On dirait que c'est comme si le monde est tellement ouvert devant elle. Je pense que à très court terme, disons là, dans les premières années de sa vie, j'ai vraiment envie de lui transmettre la confiance en soi. Chose qui nous fait beaucoup défaut chez les femmes, on doute beaucoup de nous, on doute de nos capacités, on doute de notre fort intérieur, de qui on est. J'ai envie qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ait pas peur de foncer dans la vie. Puis un peu comme Heidi aussi, j'ai hâte de lui montrer que tout est possible, qu'il n'y a pas un métier qui l'attend, il n'y a pas une série de métiers qui l'attendent ou une série de passions et de loisirs qui l'attendent. J'ai envie qu'elle puisse explorer librement puis qu'elle ait cet espace-là pour explorer, chose que peut-être moi dans ma génération était vraiment très peu commun. Disons que c'était le chemin était un peu tracé. Même s'il était moins que nos prédécesseurs, là, disons, mais j'ai envie qu'elle puisse bénéficier de cette liberté-là. Puis quel défi est-ce que tu appréhendes dans la manière de transmettre tes valeurs féministes ou de transmettre le féminisme en tant que tel à ta fille? En fait, c'est que on vit pas en bulle fermée. Donc, même si mon conjoint et moi, on s'entend sur certaines valeurs à transmettre, elle va être confrontée très rapidement à d'autres valeurs. Puis je pense que c'est là que le travail, comme tu le disais, Heidi, de déconstruction arrive, un travail où il faut permettre à l'enfant de se poser les bonnes questions sur ce qu'il voit, sur ce qu'il se fait dire. Puis je pense que c'est un peu ça notre rôle comme parents, c'est de les guider, puis de garder un peu, de travailler l'esprit critique, de leur permettre de leur développer. Puis je pense que ça va être ça le principal défi, parce qu'on vit dans une société sexiste, puis nous aussi, on en transporte aussi des valeurs sexistes, qu'on le veuille ou non. Même si on est conscient, on essaie d'être réflexif, on a des choses intégrées, puis je pense que ça, c'est un autre défi aussi à garder en tête. Mm-hmm. Heidi, qu'est-ce que tu espères avoir transmis de féministe à tes enfants par ta manière d'être avec tes partenaires amoureux, les partenaires qui partageaient ta vie et celle de tes enfants? Oh ben, je pense que effectivement, j'ai eu la chance et aussi l'intelligence, le bon sens de choisir des partenaires qui étaient en conformité avec mes valeurs. Et les relations que j'ai eues avec mes partenaires, en fait, mes enfants ont connu comme partenaire leur père et l'homme avec qui je vis présentement. Ce sont des hommes avec qui j'ai eu des relations égalitaires. Alors, on dit parfois que ce que tu écris plus fort que ce que tu dis, mm-hmm. Ben, je pense que les enfants reçoivent de ça, et c'est qu'en nous voyant évoluer dans une relation égalitaire aussi qu'ils se projettent dans ce type de modèle-là. Mm-hmm. Et Cynthia, toi, on l'a mentionné, t'es enseignante au Cégep. Mm-hmm. Est-ce que tu considères que c'est un espace de transmission féministe pour toi, ou tu dis que t'as une obligation de, disons, mm-hmm. neutralité dans ce sens-là? Je dirais que c'est une question que je me pose à chaque début de session. C'est comme je pense que j'ai un devoir de réserve, de peut-être un peu de neutralité, mais plus de réserve, je dirais, à ne pas trop mettre de l'avant mes a priori ou mes idéologies. Il y a d'autres profs qui le font. Il y a des profs de sciences politiques qui se présentent sous la bannière d'un parti. Je veux dire, c'est pas interdit là d'être engagé, mais je pense que je le fais différemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une place aux féministes dans mon cours, qui va être quand même assez grande, et je vais le décliner dans ses différentes manifestations. Donc, selon les courants qui le traversent, mais aussi les chocs qu'il y a entre féministes. Donc, pour moi, c'est important de présenter ça. Puis, ça permet aux étudiants de juste dépasser le fameux débat, parce que souvent quand on arrive au cégep, c'est la question: est-ce que le féminisme est encore pertinent? Quand on présente l'intersectionnalité, quand on présente les féministes libérales, on présente les féministes matérialistes, on dirait qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher. Finalement, les étudiants vont se sentir interpellés par l'une ou l'autre de ces variantes du féminisme. Déclinaison plutôt. Et puis je sens que ça va vraiment nourrir un peu leur réflexion. L'autre chose, c'est que dans ma pratique comme enseignante, que je parle de d'autres choses, que je parle pas de féminisme, dans chacune des activités que je prépare, j'essaie de penser à la place des femmes dans cette activité. Je réalise que le cours magistral de 3 heures est pas un espace où les femmes s'expriment beaucoup. Donc, ça va être un espace où les hommes vont avoir tendance à lever la main, prendre beaucoup la parole, vont se sentir à l'aise, et où les femmes vont être très gênées de le faire. Donc, j'essaie de diviser souvent la classe en petits groupes, et là, je vois que les femmes s'exprime davantage. Si on est en grand groupe, je vais encourager les femmes à prendre la parole. Lorsqu'elles lèvent la main puis qu'elles commencent leur intervention en disant « Je sais pas si ça rapporte, mais oui, ça rapporte, vas-y, je les encourage. » Donc, je pense que cette sensibilité féministe-là me permet de donner une place importante aux femmes dans mes cours. Mm-hmm. Donc, tu disais aussi, quand on se parlait avant, d'être consciente de ces stéréotypes-là, ça te permet de mettre le doigt là-dessus et de les souligner, puis peut-être que les élèves les voient sans non plus blâmer les personnes qui prennent la parole, effectivement, des garçons qui prennent la parole, on veut les entendre aussi. Mais... Oui, ça peut être un teachable moment, comme on dit, là, un moment des fois à posteriori que je vais utiliser, donc de dire, remarquer dans le cours qui a le plus parlé, est-ce que c'était des hommes ou des femmes, puis justement sans nécessairement jeter de blâme, mais juste en notant des réalité. Mais ça, je le fais avec beaucoup d'expériences aussi où les femmes se sentent interpellées. Avez-vous peur de rentrer la nuit seule après être sortie avec vos amis? Est-ce que vous vous appelez le soir pour vérifier que votre ami est bien rentré? Est-ce que les hommes ont peur du viol? Est-ce que les femmes ont peur du viol? Donc, des questions comme ça, très simples, qui les amènent à réaliser qu'il y a une inégalité qui est flagrante, mais parfois, on ne se pose pas la question quand on est adolescent, adolescente. Mm-hmm. Dans la transmission féministe, j'ai l'impression, bon, on l'entend, là, il y a vraiment une volonté de transmettre plusieurs idéaux, l'égalité, l'ouverture, on l'a mentionné, mais dans un monde encore sexiste, raciste, hétérocentré, la transmission, elle se fait aussi beaucoup par la déconstruction d'attitudes, de comportements, d'idées qui sont véhiculées par la société. Donc, Moi, je me demandais, en fait, quel défi ça représente de devoir non seulement proposer ces idéaux-là, mais toujours être en train de défaire ou de montrer aux autres à défaire ce qui est construit par l'entourage ou par l'école, puis qui ne correspond pas vraiment aux valeurs féministes qu'on souhaite transmettre à nos enfants ou à d'autres. Donc, Heidi, pour ta part, tu l'as mentionné tantôt, la question des contenus publicitaires et culturels qui posent les corps féminins comme des objets et puis la sexualisation des jeunes, ça t'interpellait beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu essayais de leur transmettre à ce sujet-là? Oui, effectivement, ce qui, pour moi, représentait particulièrement un défi, c'est la possibilité de pouvoir expliquer ou transmettre aux enfants dans un contexte où je conteste l'hypersexualisation des filles, dans un contexte où je conteste même l'exacerbation de la sexualité dans la société, mais que je veux aussi transmettre à mes enfants que la sexualité, c'est sain, c'est bon, c'est souhaitable. L'érotisme, c'est sain, c'est bon, c'est souhaitable. Alors, comment arriver à ne pas aller dans ma dénonciation, à ne pas aller si loin que finalement l'enfant va recevoir « Ah ben, c'est pas bon d'être sexy, c'est pas bon d'être... » Mais en même temps, d'aller assez loin pour être qu'il soit capable de questionner « Est-ce que c'est... comment je m'habille, comment je bouge, quand je danse sur une piste de danse, quel message j'envoie, quand je m'habille de cette manière-là, quel message j'envoie, comment puis-je l'assumer, ce message-là, est-ce que je suis prête à ça, est-ce que... Quand je vois des trucs sur les affiches publicitaires, est-ce que je me sens bien de voir ça? Comment je peux réagir si je me sens pas bien? Comment je peux transmettre aux autres ça? Est-ce que ça répond à ta question? Ben oui, donc tu avais beaucoup de questions, puis comment tu t'es prise? C'était d'inculquer ces questions-là à tes enfants, finalement. Oui, c'était d'inculquer ce questionnement-là aux enfants. Tout à l'heure, comme je le disais, quand j'étais devant la télévision avec eux puis qu'ils regardaient des vidéos, ben je questionnais. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de faire-là? Puis comment c'était pris par ta fille, par exemple? Comment c'était reçu? À un moment donné, par moment, c'était reçu comme « Ah, OK, on le sait, maman, là, lâche-nous tranquille avec ça. » Ce qui, je pense, est relativement normal dans les relations parents-ados en particulier. Ce qui fait aussi que moi, tout le long de ce processus d'éducation puis de transmission-là, j'ai jamais été convaincue que je faisais... Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais assez? Jusqu'où je vais? À chaque jour, c'est un défi, puis on fait ce qu'on peut, puis on sait pas, on sème une graine, on sait pas si c'est la bonne. La terre était saine, alors les graines ont quand même fait des beaux fruits. Puis comment t'entrevois ça, toi, Cynthia, donc soit dans ton travail de transmission avec tes élèves, mm-hmm. les étudiants et étudiantes, ou plus tard avec ta fille, c'est ce défi d'être beaucoup dans la déconstruction, dans peut-être un côté plus mm-hmm. négatif... Mm-hmm. Ben, je pense qu'on se ressemble là-dessus, Heidi, aussi. Je pense que l'aspect de déconstruction, pour moi, est important, mais l'aspect de réflexivité constante, une remise en question de ce qu'on fait, de nos méthodes, qui nous permettent toujours de nous adapter aussi, puis de réagir aux situations nouvelles. Donc, pour moi, d'amener ce questionnement-là, puis cette capacité à réfléchir, c'est ça qui est important. Parce qu'après, les situations vont être nouvelles. Puis, comme tu le disais en début d'entrevue, Florence, aujourd'hui, t'amène des nouveaux questionnements. Je pense que c'est cette ouverture-là que tu as démontré qui permet à Florence aujourd'hui de te présenter des nouvelles avenues féministes qui peut-être à l'époque où toi, elle était ado, c'était pas l'air du temps. Donc, moi, je pense que c'est une posture, c'est un état d'esprit qui nous permet de bien répondre à ces défis-là. Fait que là-dessus, on se ressemble beaucoup. Je pense que ça va être mon approche, en tout cas. Mm-hmm. Après, pour la question, est-ce que c'est une construction négative dans le sens où on déconstruit des stéréotypes, on essaie de porter un regard critique? Je pense que pour moi, ça va ensemble. C'est comme si les femmes sont opprimées, donc il faut dénoncer l'oppression pour pouvoir construire des espaces de liberté, des espaces de libération. Donc c'est co-constitutif pour moi. Ça, l'un ne va pas sans l'autre, puis je pense que c'est comme ça qu'il faut l'enseigner. Mm-hmm. Et si on parlait d'amitié, on a parlé beaucoup de parentalité, mais l'amitié, ça a un rôle important, je pense. En tout cas, dans mon cas, ça a été primordial dans le développement de mon féminisme. Pourtant, on entend souvent que les femmes se voient comme des rivales ou alors qu'elles se méprisent, qu'elles se bitchent, dirait-on. Donc, je voulais savoir quel impact l'amitié avait eu sur la construction, l'évolution de votre propre féminisme. Donc, Heidi? Ben d'abord, ça, c'est drôle pour moi. C'est quelque chose que j'ai toujours entendu tout le temps de ma vie, que la vraie amitié entre les filles, il y a toujours un peu de rivalité, puis il y a toujours un peu de bitchage, comme tu dis. J'entendais ça quand j'étais jeune, puis je l'entends encore maintenant, et ça m'étonne à chaque fois. Et je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vécu dans mes amitiés, peu importe les époques de ma vie, j'ai 60 ans maintenant. Et moi, j'ai eu des... Les amitiés sont extrêmement importante pour moi et j'ai échangé des valeurs de toutes sortes avec les amis et ni dans mes groupes de travail ni dans mes groupes de communautaires ni dans mes groupes d'amitié comme tel je n'ai senti ce genre de rivalité là. Je voudrais aussi mettre l'emphase sur le fait que lorsque j'ai eu 20 ans j'ai commencé à faire partie d'un groupe de femmes. J'habitais alors à Sept-Îles sur la Côte-Nord et j'ai fait partie du regroupement des femmes de Sept-Îles. Et voilà un groupe de femmes qui étaient toutes un peu plus âgées que moi, de 10, 15 ans, 20 ans, et qui m'ont transmis énormément de leurs valeurs féministes et qui ont accueilli les miennes et il y a eu un co-développement là-dedans entre nous et qui ont été des amitiés extrêmement chères et extrêmement formatrices pour moi. Et Cynthia? Oui. Moi, l'amitié a été fondamentale dans mon développement féministe, l'est encore aujourd'hui. Moi non plus, la rivalité entre femmes, je n'ai pas connue. Mes amitiés sont sincères, sont authentiques, sont fortes. Et puis, ce sont les femmes de ma vie, mes amis qui m'ont le plus fait évoluer, en fait. Donc, Audrey, nos auditrices le savent peut-être pas, mais les auditrices qui nous écoutent, mais nous sommes amis dans la vie et Audrey a été une des personnes avec qui j'ai le plus cheminé. Pour moi, l'amitié a permis, en fait, de valider des expériences sexistes que j'avais vécues dans le passé et de les comparer. Donc, des fois, des choses très personnelles qu'on va raconter puis qu'on va se rendre compte qui est partagée avec d'autres femmes, des expériences vraiment difficiles, des fois des expériences qu'on peut vivre ensemble aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le contemporainement, on peut avoir une expérience, revenir sur un fait qui s'est passé, puis se demander ensemble, est-ce que tu as trouvé que c'était sexiste, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, de pas être tout seul avec son doute, puis de se dire, peut-être que je surinterprète. Non, on est capable de valider des expériences, puis de puis ça nous a permis, puis je l'ai vécu avec Audrey aussi, de prendre sa place. Donc, on a eu des moments ensemble où on était en présence d'hommes qui prenaient beaucoup trop de place, qui coupaient la parole, qui avaient aucune écoute, et Audrey et moi de se regarder dans ces discussions-là, puis de se dire... On se fait un petit regard en voulant dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette discussion. Et là, on se relançait. Donc, Audrey, qu'est-ce que tu disais? Je pense que tu étais sur une lancée. Continue sur qu'est-ce que tu disais. Donc, là, on se permettait de se renvoyer la balle puis de s'aider là-dedans dans certaines discussions. Donc, ça a été comme non seulement un facteur de prise de conscience, l'amitié, mais aussi d'élévation. Donc, de pouvoir aller plus loin puis de même contrer certains comportements. Bien, merci beaucoup, mesdames. On a simplement effleuré le sujet, mais j'espère que ça nous permet de mettre la table sur le rôle primordial que vraiment les relations interpersonnelles ont dans la transmission du féministe. Alors, merci beaucoup, Heidi Bouchard, Cynthia Farès. Merci. Merci. C'était la chanson Hostie de Michael Richer. L'autrice, compositrice, interprète vient de sortir son premier mini-album intitulé Fâcheuse Tendance. Présentement, il est 18h41. Pour la seconde partie de l'émission, on a souhaité s'intéresser au rôle de l'art dans la transmission du féminisme. On a toutes été marquées par plusieurs œuvres qui, parce qu'elles nous ont choquées, parce qu'elles nous ont dérangées, parce qu'elles nous ont fait réfléchir, parce qu'elles nous ont permis de sortir de nos a priori, ont eu un impact sur notre réflexion et sur notre posture féministe. Donc, on peut penser, peut s'agir, là, par exemple, de chansons, de pièces de théâtre, de tableaux, de romans, de poèmes, de films. En préparant l'émission, on a essayé de se remémorer des œuvres qui ont été marquantes pour nous. Pour moi, une des œuvres qui a été importante puis qui pourtant est très, très accessible, c'est la bande dessinée de l'illustratrice Emma. Je pense notamment à une planche au sujet de la charge mentale qu'elle a sortie il y a quelques années, là, puis qui avait été largement diffusée via notamment les réseaux sociaux. Je me souviens que, pour moi, en tout cas, ça a été la première fois que j'ai pu mettre des mots sur des frustrations que j'avais dans mon couple, notamment, puis que je voyais aussi autour de moi, là, dans le couple des gens autour de moi, de ma famille, peut-être de mes parents. Même si en apparence, en fait, avec mon chum, on avait un partage des tâches qui paraissait égalitaire, parce qu'on faisait tous les deux, tu sais, notre part du ménage, la vaisselle, les courses, etc. Ben, c'est une œuvre qui m'a fait réfléchir, discuter, puis poser des actions aussi, puis qui a un impact vraiment positif sur ma vie. Puis vous, chers collègues, si vous aviez à nommer une œuvre qui a eu un impact sur votre parcours de femme féministe, ce serait quoi, Laurence? Moi, je dirais que ce serait le film Itty Bitty Titty Committee, sorti, je pense, en 2008, puis réalisé par Jamie Babbitt, qui m'a marquée. C'est comme un satire plein de respect et d'amour pour le féminisme qu'on dit radical. Donc, on suit un groupe de femmes majoritairement lesbiennes qui organisent entre elles la lutte féministe. C'est à la fois hilarant, cru, sensible, puis ça donne accès à des personnages féminins indépendants, autonomes et féministes, puis aux relations qu'elles entretiennent entre elles. Donc, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, c'est extrêmement drôle. Ouais, je ne connaissais pas du tout ce film. Non, c'est un satire. C'est très satisfaisant comme féministe. Puis il y a évidemment les livres de Virginie Despentes, comme King Kong Theory, qui m'ont marqué au niveau du féminisme. Toi, Audrey? Ben moi, on allait aborder ce sujet-là. Je me suis moi-même questionnée, puis j'ai trouvé que c'était un exercice difficile. Et ça m'a vraiment attristée, là, que j'étais comme pas capable spontanément de nommer des œuvres, des artistes féministes qui étaient vraiment restés avec moi. Puis pour moi, le rôle de l'art dans le développement féministe, ça a été moins un vecteur de transmission qu'un plus un vecteur d'indignation devant l'absence d'histoires, de personnages ou d'images qui étaient plus diversifiées ou qui me correspondaient. Mais puis bon, la responsabilité est partagée. Je pense tant les curriculums scolaires que moi-même, j'essaie de faire un effort conscient pour m'intéresser plus à des œuvres des femmes. Mais bon, excusez, long préambule pour dire que tout de même, là, présentement, finalement, ce qui m'est venu en tête, je dirais que c'est l'art visuel féministe qui m'interpelle vraiment en ce moment. Donc, que ce soit l'art de rue, les graffitis, ça me parle beaucoup. Celle des artistes comme Starchild Stella, Zola au Québec ou Cash Inc. en France, les illustrations des Folies passagères ou de Pony. C'est vraiment, je trouve que c'est une forme d'art, des illustrations, des images, des dessins qui me donnent la force, qui me donnent de l'énergie, me transmettent un féminisme ludique, éclaté, décomplexé, ça me fait vraiment du bien de les voir, ça me renvoie une image positive qui est régénératrice puis qui m'encourage à continuer d'affirmer haut et fort mon féminisme. Bien, merci d'avoir partagé. C'est intéressant. Puis, ben, partant de cette possibilité-là qu'offre l'art de transmettre des idées, des valeurs, des réflexions féministes, ben, en fait, pour traiter plus en profondeur de ce sujet-là, de la transmission du féminisme par l'art, on est en compagnie de Laurie Malépart-Traversy, qui est réalisatrice, scénariste et productrice, notamment du court-métrage Le Clitoris, qui a été présenté lors du 28e Festival international de films lesbiens et féministes de Paris, organisé par Cinéfable en 2016. Bonjour Laurie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Comme tu le sais, on dédie notre émission de ce soir à la transmission féministe. Tu le sais parce que tu es présente avec nous depuis le début de l'émission. On souhaitait s'entretenir avec toi au sujet du rôle que peut jouer l'art, donc dans la transmission d'idées féministes ou d'une vision féministe de la société. Ton court-métrage, Le Clitoris, c'est en fait ton projet de fin d'études au bac en cinéma d'animation à Concordia, c'est bien ça? Oui. Et puis, il est paru en 2016 et il aborde cette région du corps, le clitoris, à travers une perspective historique, sociale, biologique, de manière décomplexée, moi j'ai trouvé, humoristique aussi et douce en même temps. On sent vraiment une volonté de redonner au clitoris ses lettres de noblesse, si on veut, en remettant en perspective la manière dont on l'a appréhendé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à produire un court-métrage sur ce sujet-là en particulier? Ouais, donc... C'était pendant la fin de mon bac. Puis on pouvait faire un film sur le sujet de notre choix. Vraiment, ça aurait pu être quelque chose de complètement abstrait. Mais moi, j'avais envie de faire quelque chose de féministe. Puis c'était très vague dans ma tête. Juste, je veux faire un film féministe. Puis encore, à ce moment-là, mes positions féministes étaient encore floues. Je savais juste que je voulais être féministe. Donc, puis que je voulais aborder aussi la sexualité parce que c'est quelque chose qui a toujours un peu habité mes œuvres d'art depuis le cégep, de mettre en scène des femmes décomplexées en train de se masturber ou en train de juste se montrer la vulve. Donc, y avait cette idée-là que j'avais. Puis c'est en commençant à faire des recherches un peu floues sur Internet sur la sexualité féminine que je suis tombée sur la page Wikipédia du clitoris. Puis je me suis rendu compte que c'était premièrement une super longue page avec plein de détails que j'avais jamais entendu ou vu nulle part, particulièrement l'anatomie du clitoris, qui a deux racines à l'intérieur du corps qui sont très longues. J'avais jamais vu ça. Moi, j'étais sûre que le clitoris était comme un petit bout qui dépassait. Puis là, ça m'a comme vraiment marqué. Je me suis dit, comment ça, je sais pas ça. À l'époque, j'avais 24 ans. Puis je me dis, ben pourtant, je suis féministe, puis ma mère m'a quand même appris les choses de la sexualité. Mes parents m'en ont parlé. J'ai même suivi un cours de sexualité au cégep, en cours optionnel. Puis jamais on m'a montré... Jamais. C'est quand même basic, là. Ben, c'est juste l'anatomie du clitoris. Donc ça m'a marqué. Puis ensuite, de voir l'histoire du clitoris qui était très absurde avec tous les docteurs qui ont comme découvert le clitoris, puis après ça, ça a été un peu oublié ou effacé complètement de certains livres médicaux, comme si c'était pas important, ou comme c'est là qu'on voit que c'est quelque chose de tabou ou quelque chose de... Il y a quelque chose, là. Les oreilles disparaissent pas des livres médicaux, mais le clitoris, soudainement, et même le pénis disparaît pas, évidemment. Mais pourquoi on se permet d'oublier cette partie-là qui serait pas importante? C'est une démarche intéressante, puis on voit toute l'importance de parler de ce sujet-là. D'ailleurs, on l'a mentionné déjà, ça a vraiment c'est un court-métrage qui a bien voyagé, mais est-ce que tu visais à rejoindre une tranche de la population en particulier quand tu as imaginé ce court-métrage-là? Non, absolument pas. Même juste de le présenter à ma classe, à ma professeure, puis à mes collègues, j'étais vraiment gênée parce que j'avais l'impression de montrer une facette de ma personnalité que les gens connaissaient pas. Puis je savais même pas si ça allait les intéresser. Puis heureusement, ma professeure, qui est assez ouverte à toutes sortes de sujets, puis particulièrement féministe, m'a vraiment encouragée. Puis ça m'a donné... OK, je me suis dit, OK, ça peut être intéressant, mais vraiment, j'avais aucune idée de qui allait regarder ça. J'avais surtout aucune idée de la popularité qu'ensuite a eu le film sur Internet, qui a eu comme 10 millions de visionnements. Oui, c'est impressionnant. Ben, c'est ça. C'est inattendu, là, je veux dire. Ouais. Justement, on sait que souvent, l'art peut interpeller les gens d'une manière plus profonde que simplement partager de l'information. La page Wikipédia, par exemple, était là, mais pourtant, je pense pas qu'il y a 10 millions de personnes qui sont allées la consulter. Comment est-ce que tu entrevois le rôle de ton travail d'animation puis d'illustration dans le mouvement féministe? Ben, j'essaie d'utiliser ça pour vulgariser, dans un sens. Je trouve que c'est ça qui est intéressant avec l'illustration ou l'animation, c'est de vraiment prendre des sujets, des fois, un peu complexes, puis de les synthétiser un peu. En même temps, c'est ma vision à moi, donc ça aurait pu être synthétisé d'une autre façon. Mais je trouve aussi que ça permet de représenter des choses qui sont pas possibles de représenter en vrai, comme un clitoris souriant qui marche. C'est pas quelque chose... Ça aurait été, en tout cas, ça se peut juste se faire en dessin ou en animation. Peut-être avec un costume, ça pourrait être intéressant, mais... Mais c'est ça que ça permet de faire, c'est qu'on peut comme créer quelque chose à partir de rien avec l'animation, puis c'est ça. Tes œuvres traitent fréquemment de sexualité féminine. On peut penser par exemple à la série de 3 vidéos que tu as réalisées avec ton collègue et ami Daniel Sterling Altman au sujet des agressions sexuelles organisées par... en fait, ces vidéos-là sont organisées par le Centre contre les agressions sexuelles de Concordia. Qu'est-ce que tu souhaites que les femmes et les féministes retirent de ton travail? Moi, c'est sûr que je m'adresse pas spécifiquement aux femmes ou aux féministes, même si mon travail l'est, il est féministe. J'espère atteindre un grand public, dans un sens. Même si des fois, je suis... Par exemple, pour mon film Le Clitoris, j'étais quand même étonnée... quand certaines personnes qui sont pas particulièrement féministes m'ont dit « Ah, c'est le fun, ton film, il est pas super féministe, tu sais, il est pas... ça paraît que t'es pas une féministe enragée. » OK. Ben là, ça m'enrage. Quand je me dis « Oh, ben merde, j'ai peut-être pas bien visé, tu sais. » Dans un sens, moi, je trouve que quand il y a une forte réaction à quelque chose, ça démontre que t'as mis le doigt à la bonne place. Ouais. Ouais, mais ça démontre qu'il y a quand même une part d'interprétation aussi là, par rapport à une œuvre versus d'autres médiums qui sont plus stricts. C'est quoi les lacunes, selon toi, dans le savoir transmis aux femmes sur leur corps et sur leur sexualité? Je te pose la question parce que, puisque tu t'intéresses à ça, j'imagine qu'à travers ces années-là, tu as développé une réflexion sur la question. Les problèmes, il y en a plusieurs. C'est que le contenu qui parle de sexualité, ben soit il est absent, que ce soit à l'école, ou il est soit absent ou mal expliqué. Ou sinon, il est produit par peut-être des hommes, ou par exemple, dans le cinéma, c'est encore beaucoup des hommes qui font des films, en majorité. Puis dans les films, il y a presque tout le temps des scènes de sexe qui sont, c'est n'importe quoi là. C'est souvent beaucoup trop rapide ou quelque chose, la fille jouit en se faisant pénétrer comme ça en 2 secondes, puis ensuite il s'essuie pas non plus, il y a pas comme de sperme, il y a pas de saleté, c'est tout propre, puis là la fille s'en va, mais c'est comme ça qu'on a, puis dans un sens c'est un peu à travers ça qu'on apprend la sexualité. C'est beaucoup, en tout cas moi personnellement c'était beaucoup dans les films, parce que on a beau nous l'expliquer, c'est tout croche un peu à l'école. Les gens sont gênés d'en parler. Il y a beaucoup de gêne. Fait que là, ça te transmet que c'est gênant. Puis après, ben, il reste les films qui représentent pas ça bien. Donc, ça serait les lacunes, mais il y en a plusieurs, j'ai l'impression. Oui, effectivement, il y en a plusieurs. Quels seraient tes modèles? Quels ont été en fait tes modèles et tes sources d'inspiration en matière d'art féministe? On en a parlé, nous trois, tantôt, mais de ton côté? Oui, moi aussi, je trouvais que c'était une question difficile quand même. Parce que j'ai l'impression que pour moi, mes inspirations féministes, je les prends finalement souvent en dehors du monde de l'art, si on veut. Ce serait quoi? Quand c'est des... Mais même ça, j'avais de la misère à trouver. Tu sais, ça peut être des gens que je suis sur des réseaux sociaux qui sont pas nécessairement des gens qui écrivent, mais ça peut être des gens qui témoignent de trucs sexistes qu'ils vivent. Mais sinon, j'ai quand même réussi à trouver des artistes. J'avais moi aussi les Folies passagères. C'est, je pense que c'est Maude Bergeron qui fait ça, une illustratrice. Puis elle aborde vraiment différents sujets féministes, intersectionnels. Puis c'est souvent juste une image, puis ensuite elle écrit en dessous une réflexion. Ça peut être sur le consentement, le viol, toutes sortes de sujets. Sinon, je pensais aussi à certaines chanteuses qui remettent un peu en question des normes de genre ou de corps, comme Lizzo, la rappeuse américaine, qui est très, très populaire en ce moment. Elle a comme 4 hits à la radio depuis cet été. C'est une chanteuse noire d'un corps assez gros. Puis elle se met complètement en valeur. Elle danse, puis elle est à moitié tout nue. Puis c'est comme vraiment, c'est empowering. Mm-hmm. Puis sinon, Safia Nolin, je trouve qu'il est un exemple de chanteuse qui questionne tout ça sans être... J'imagine qu'elle se dit féministe, mais c'est pas comme son premier titre, mais ouais. Sans nécessairement mettre le mot dessus, mais par des actions. Ouais. En terminant, depuis septembre 2017, tu travailles à temps plein sur ton premier film professionnel à l'Office national du film du Canada, l'ONF. C'est une série de 5 courts-métrages d'animation portant sur le sujet de la masturbation féminine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, donc c'est tiré des livres Caresses magiques. Qui ont été créés par Sarah Hébert et Sarah Gagnon-Piché. À la base, c'est des livres... c'est une publication indépendante de Montréal. Au départ, c'était un blog, puis elles avaient invité des femmes de leur entourage à envoyer des témoignages sur la masturbation de façon anonyme. Puis ensuite, c'est devenu 2 livres. Puis moi, j'ai utilisé ça... en fait, je pense que j'ai tombé sur les livres pendant que je travaillais sur le clitoris. Puis c'est plus tard que j'ai commencé à trouver que ça serait vraiment une bonne idée de faire quelque chose avec ça, parce que c'est des courtes histoires. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont quand même humoristiques. Puis moi, j'aime ça garder le côté humoristique pour transmettre mes messages. Donc c'est sûr qu'il y avait toutes sortes de textes là-dedans avec qui étaient moins drôles. Mais moi, j'ai sélectionné 4 textes. Puis j'ai interviewé les auteurs qui ont accepté d'avoir leur voix dans les films. Puis, c'est ça. C'est 4 témoignages de femmes. Puis, un des vidéos, ça va être sur l'histoire du tabou de la masturbation. OK. Donc, j'ai fait une recherche vraiment sociologique presque. Là. Ben, pas sociologique, mais dans des livres. Puis, c'était pas si facile d'avoir des... Au départ, je voulais que ce soit l'histoire de la masturbation féminine. Mais c'était quand même assez difficile, fait que ça va être un peu plus large, finalement. Ça va être l'histoire de la masturbation en général. Puis on peut s'attendre à pouvoir visionner ça à qui? Ça, c'est long, faire des films d'animation. Oui. Donc, ça va être dans 1 an et demi et plus. D'accord. Ben merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à l'émission. Puis aussi, ben surtout, merci beaucoup pour ton travail qui nous fait réfléchir puis qui contribue à la lutte féministe. Ben, merci. What up, Montreal? DJ Billy from CKUT here, telling you about CKUT's Music Trivia Night that I'm hosting on Wednesday, the 30th of October at Bar Biftech on Solerot Boulevard. That's 3702 Salon de Rance. Starts at 7 p.m. We got great prizes for you. Tickets to Chance the Rapper, Toro et Moi, as well as free drinks. Music trivia, all eras covered, all topics. Come and test your music knowledge with all your favorite hosts from CKUT Radio. See you then, Wednesday the 30th, 7 p.m. at Bar Biff Tech. Il est déjà 19h. Voici ce qui met fin à l'édition du 23 octobre 2019 d'Ève et Pandore. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Je remercie tout d'abord Laurie Malépart-Traversy pour la très riche entrevue. Merci Heidi Bouchard, Cynthia Falaise pour votre riche contribution à la discussion au sujet du rôle des relations interpersonnelles dans la transmission du féminisme. Un énorme merci à toutes celles qui ont accepté de participer à notre Vox Pop en début d'émission. Ça a été très enrichissant pour nous de vous avoir à l'émission. Finalement, je remercie mes consoeurs avec qui j'ai préparé cet épisode et j'ai nommé Audrey Gosselin-Pellerin qui a animé la discussion sur les relations interpersonnelles et la transmission et Laurence Morin pour la mise en onde. Donc, mon nom est Marianne Théberge, c'est moi qui tenais la barre de l'émission pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à Ève et Pandore dans votre application de podcast préférée pour écouter nos anciens segments et surtout nos futurs reportages. Les émissions d'Ève et Pandore sont archivées sur evepandore.wordpress.com evepandore.wordpress.com Notre prochaine émission, ce sera le 22 janvier. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, puis si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous sur la page Facebook d'Ève et Pandore.